Je vais pratiquement ne faire que illustrer les thèses défendues par Rigas. Il n'y a que sur quelques points qu'il peut y avoir des nuances. Je dirais par exemple, une des nuances, et je suis étonné qu'ils n'en disent rien par rapport à ce qui se passe au Mexique pour l'instant sur le système des salaires, c'est que maintenant que les profs arrivent à l'âge de la retraite, ils découvrent que les sursalaires, parfois gigantesques, qu'ils ont eus grâce à leur publication, une fois qu'ils arrivent en retraite, la retraite, elle est calculée sur la base du salaire qui, lui, est devenu très, très, très, très faible, et ça devient une vraie crise. Elle est très nette au Mexique et ça commence à faire débat dans d'autres pays d'Amérique latine qui ont instauré exactement le même système. Mais c'est vrai que c'est un système, là, en Colombie, on retrouve aussi quelque chose d'assez similaire. Effectivement, avec des salaires, avec des profs dans certaines universités qui ont des salaires qui nous feraient rêver, nous. Enfin, en termes de pouvoir d'achat équivalent ici, c'est parfois 5 à 6 fois nos salaires d'ici, hein. Mais ça veut dire aussi des disparités énormes, mais énormes, entre les salaires des enseignants, selon les universités, selon leurs publications, etc. Je vais donner juste quelques exemples, quelques éléments d'information par rapport à la Colombie pour faire sentir un peu cette réalité. Par exemple, si on regarde la population des chercheurs en Colombie, si on regarde du côté des universités, c'est essentiellement là que sont les chercheurs. On a seulement 3% des enseignants universitaires qui ont une thèse de doctorat. Ça donne, je dirais, ça fait un contraste radical par rapport à chez nous, où, en principe, le passage maître de conf et prof est en principe conditionné au fait d'avoir une thèse. Là-bas, le docteur, c'est un cas un peu marginal. Pas dans toutes les universités, il y a quelques universités qui concentrent la majorité des docteurs, ce qui veut dire qu'on a beaucoup d'universités dont les enseignants, où il n'y a presque pas d'enseignants qui ont des thèses, même presque pas d'enseignants qui ont un master. Si on regarde la population des chercheurs qui sont inscrits dans le système national de la recherche, donc une grosse base de données où les gens rentrent leurs CV, qui sont accessibles publiquement, etc., avec toute une critériologie qui fait que les gens sont reconnus ou pas, ont une reconnaissance officielle par le système national, on a seulement 9% des chercheurs reconnus qui ont une thèse. 28% des chercheurs reconnus qui ont un master. Ceux qui ont des thèses, 90% de ceux qui ont des thèses sont des thèses qui ont été faites à l'étranger. Il y a quelques étrangers qui ont émigré en Colombie, mais la majorité, c'est des Colombiens qui ont fait leur thèse à l'étranger. Si on regarde en termes de flux dans la situation actuelle, enfin, en gros les 5 dernières années, au niveau national, il y a à peu près 50 personnes qui sont diplômées de thèses de doctorat par an en Colombie, auxquels il faut ajouter 300 Colombiens qui décrochent une thèse de doctorat à l'étranger. À nouveau, ça donne une idée des flux, des proportions, mais aussi du fait que la formation doctorale est encore très, très fortement connectée au reste du monde. Ce n'est pas seulement l'insertion dans les réseaux internationaux. Les filières de formation au niveau recherche sont largement dépendantes de... Et quand on dit à l'étranger, en gros, c'est Europe et États-Unis, avec quelques petites fluctuations, quelques mouvements. Il y a un mouvement vers le Brésil, vers l'Argentine, vers la Corée, mais c'est des phénomènes encore statistiquement marginaux, mais qui pourraient être significatifs à terme. En termes de stock, au total, il y a 5000 docteurs en Colombie. 5000 docteurs en Colombie, si je prends Grenoble, je ne sais pas combien il y a de docteurs, mais il y a 3000 doctorants à Grenoble. Je pense qu'en termes de docteurs, on doit être un peu en dessous de 10 000. Donc ça donne aussi une idée des proportions. Et un tiers des docteurs sont des SHS. Les chercheurs sont essentiellement localisés dans les universités. C'est là que se fait la recherche. L'industrie ou les institutions ou les autres institutions publiques sont des phénomènes marginaux. C'est-à-dire à nouveau une situation qui n'a rien de comparable à la France. En France, on a plusieurs institutions qui pèsent lourd sur la recherche, CNRS, INRA, INRIA. Bon, l'IRD, je ne vais pas dire qu'ils pèsent lourd, mais ils comptent quand même. Autre information qui est intéressante pour réfléchir, parce qu'on parle des changements qui s'opèrent chez nous, notamment une déstructuration des grands organismes de recherche, un développement des universités, tendance peut-être à privatiser les universités. Si on regarde un peu les créations d'universités en Colombie, donc je reprends depuis 1580, qui est la première université, jusqu'en gros milieu des années 90, on a une première phase. Donc en mauve, ce sont des universités privées. privé, 1580-1825, c'est essentiellement confessionnel. C'est les jésuites, c'est les dominicains, c'est quelques évêques, les franciscains qui développent aussi des choses. Donc c'est, on a une période essentiellement confessionnelle, dont certaines, soit existent toujours, soit ont disparu, jésuites expulsés, dominicains expulsés, puis ils réapparaissent au 19e ou au 20e siècle. Voilà. Aujourd'hui, ça ne pèse plus tellement. On a ensuite une phase après l'indépendance de la Colombie et avec des mouvements, je dirais, fortement influencés par les Lumières en France, notamment. Phase de création d'universités publiques, 1826-1947. Toute cette période-là, c'est essentiellement dominé par des universités publiques, y compris des universités confessionnelles qui se sont reconverties ou qui ont été reconverties, nationalisées, etc. On a une petite période avec des créations d'universités privées, mais d'un genre un peu particulier, en gros libres penseurs ou des gens qui veulent développer des universités qui soient alternatives à ce qui est dans les mains des conservateurs. Parce que si au début c'était des idées un peu libérales, un siècle après, les universités publiques sont devenues très conservatrices et on a une réaction par rapport à ça, mais c'est c'est significatif, mais statistiquement ça ne compte pas beaucoup. Et ensuite, on a un processus de création des universités qui va être continu. Ça démarre de façon significative autour de 1943-1948, avec création d'universités publiques, mais c'est essentiellement une logique de décentralisation territoriale. On crée des universités dans chaque département où il y a une population significative de jeunes. Le phénomène est très très net jusque 77, et puis après, il n'y a plus que quelques créations dans des petites villes où il n'y avait encore rien, mais le phénomène s'arrête à la fin des années 70. Par contre, à partir de 1948, et puis surtout après, et ça continue, on a une création d'universités privées. En moyenne, deux universités privées par an sont créées, encore actuellement. Ça nous place dans un monde radicalement différent de celui qu'on connaît ici. Si on regarde, on a les chiffres par période sur le nombre de créations d'universités, par période de 10 ans, on a toujours plus de créations d'universités privées que publiques. Et si on regarde le total, il y a un problème de savoir aussi qu'est-ce qu'on compte comme université, parce qu'il y a des établissements d'enseignement supérieur reconnus, pas reconnus. Selon les statistiques, ça va entre 110 et 270 établissements. Mais là, j'ai pris ce qui est le plus strict d'université, avec des filières de formation qui vont jusqu'au niveau master. On a 40 établissements publics, en gros 80 établissements privés. Ça donne un peu une idée des proportions. Au niveau de l'institutionnalisation, donc là je ne vais pas m'étendre parce que ce qui s'est passé en Colombie est assez similaire à ce qui s'est passé dans une série de pays d'Amérique latine et qui est souvent un écho à des choses qui se sont passées chez nous avec un plus ou moins un décalage, y compris la constitution d'agences publiques de recherche qui essayent de coordonner, de gérer des fonds, de gérer par projet, des choses comme ça. On a souvent des créations institutionnelles là-bas qui sont un peu copiées sur ce qui se fait ici. Sauf que le contexte étant très différent, les mêmes créations institutionnelles là-bas ont des effets très différents de ce qui se produit ici. C'est exactement ce que Rigas avait dit aussi, par exemple sur le fait d'avoir un système d'évaluation des chercheurs national par rapport auquel nous réagissons plus ou moins fortement ici, en Colombie, les chercheurs sont enchantés. Ceux, en tout cas, qui sont actifs, ils sont enchantés parce qu'enfin, il y a un système qui va reconnaître ce qu'ils font. Reconnaître au niveau national et qui a des répercussions symboliques fortes au niveau de leurs établissements. Dans certains établissements, ça se traduit par des évolutions du salaire, qui sont parfois 100% du salaire d'augmentation, mais au moins en termes de possibilité de développer, d'engager des choses, d'entreprendre des choses au sein de l'établissement. Ça donne un label, une reconnaissance qui est non négligeable. En Colombie, dans le système national, c'est un système d'évaluation, d'inscription, d'enregistrement, de reconnaissance et de qualification, et donc d'évaluation et de qualification des chercheurs, des groupes de recherche, des revues et des filières de formation. Donc le système a instauré, et c'est un système, c'est vraiment un système, une espèce de machine avec un site web où les gens, que ce soit un individu, une revue ou un groupe de recherche, ça n'existe que si la rentrée des données dans un système qui ensuite va traiter ces données. Alors, un système, ce n'est pas seulement ordinateur, c'est un comité, etc. Mais avec toute une critériologie qui est explicite, qui est transparente, qui fait l'objet de pas mal de débats, mais qui est explicite et qui aboutit à des systèmes, à une classification A, B, C, plus non actif ou non reconnu. Reconnu comme chercheur mais non actif ou pas reconnu comme chercheur. Ce système-là a des effets non seulement sur les individus, ça je ne vais pas m'y étendre, mais sur le cas de la Colombie, ça a des effets très très forts au niveau de la constitution de groupes de recherche. Le groupe, le labo comme on a ici en France, ou unité de recherche, unité mixte de recherche, etc., c'était des choses qui n'existaient pas de façon marginale en Colombie. Avec ce système-là, on a une création de groupes de recherche, on a une série de chercheurs qui se rapprochent pour constituer un groupe de recherche pour pouvoir être reconnus dans le système national. Et ça a des effets. Alors, ça, premier effet, c'est que ça a multiplié de façon considérable le nombre de groupes de recherche. Je vais donner quelques chiffres après. Mais beaucoup de groupes de recherche sont des groupes complètement fictifs. Donc, il y a un tri qui se fait un peu avec le temps. Mais là où ça correspondait soit à une reconnaissance d'une réalité qui préexistait, soit un rapprochement entre des chercheurs qui se sont réunis pour pouvoir gagner cette reconnaissance, ça a des effets. On a, de fait, une croissance du nombre de groupes de recherche qui travaillent comme groupes de recherche, qui développent des activités internes, des échanges entre eux, des séminaires, identifier des stratégies et des défis communs, gérer des moyens de recherche de façon commune, etc. Et en même temps, avec un apprentissage qui est d'autant plus net que les évaluations se font aussi sur les publications issues des groupes de recherche et avec un système de classification ABC où les groupes visent à améliorer leur classement en même temps que le système national est révisé tous les 3-4 ans à peu près et que les critères se durcissent au cours du temps. Donc, par exemple, là, il y a eu une petite réforme récemment et il y a 600 groupes de recherche qui ont été déclassés simplement parce que les critères d'évaluation ont changé. Donc, ça remet une pression. Mais ça a un effet très, très fort, c'est-à-dire que c'est en train de faire exister des entités intermédiaires qui sont les groupes de recherche comme entités significatives de la recherche. Un autre effet qui est manifeste, c'est que comme les universités sont de plus en plus en compétition les unes avec les autres, essentiellement sur le nombre de groupes de recherche au sein de l'université reconnus par le système national et en catégorie ABC. Enfin, quand je fais le tour des universités là-bas, les gens me disent « Ah, mais nous, on a autant de groupes de recherche A, on a autant de groupes de recherche B. » Ça fait partie de la carte de visite des universités. Ce que je vois, c'est que les universités deviennent des acteurs de la recherche, deviennent des acteurs de la politique de la recherche. Comme si on venait d'une situation où c'était une affaire entre des individus et de la politique nationale, et les niveaux intermédiaires n'étant pas des acteurs. Et de plus en plus, les acteurs de la recherche, ce sont les groupes de recherche et une partie des établissements qui s'emparent du système et qui jouent avec le système. On voit aussi des établissements qui disent « Non, la recherche, on n'en a rien à foutre. Nous, l'université, c'est l'enseignement, point. Ceux qui veulent faire de la recherche, qu'ils aillent voir ailleurs. » Donc on a une différenciation des établissements y compris au niveau des discours, ce n'est pas toutes les universités qui disent enseignement, recherche, service pour la société. Il y a très clairement une différenciation, une spécialisation dans le monde au sein des établissements. Voilà pour les groupes de recherche. Donc ça, c'est les chiffres 2006 ou 2006-2007, mais là, ça a fortement réduit puisqu'ils ont changé un peu les critères. Mais en gros, il y avait 5800 groupes de recherche enregistrés et reconnus, dont 3480 inactifs. Donc plus de la moitié sont considérés comme... C'est des gens qui se sont rassemblés, mais inactifs, c'est-à-dire qui ne publient pas, que ce soit des bouquins, des chapitres de bouquins, des articles. Enfin, il y a une liste aussi de productions qui sont considérées comme étant reconnues, et chaque type de production ayant un poids spécifique. Donc de 2300 groupes de recherche actifs, 24 200 chercheurs reconnus, dont 10 000 actifs, ça fait en gros, ça fait 10 chercheurs actifs ou pas actifs par groupe de recherche. C'est-à-dire les groupes de recherche, c'est des petits groupes de recherche. Ce n'est pas des gros labos de 100 ou 200 chercheurs. C'est 5 à 20 chercheurs. Quelques petites exceptions, mais on est sur des équipes de petite taille. Les chercheurs actifs sont essentiellement dans les universités publiques. Et là, quels que soient les indicateurs, qu'on prenne les individus ou les groupes, on voit très fortement le fait que la recherche ait la tendance à se faire plutôt dans les établissements publics que dans les établissements privés. Il y a quelques exceptions, il y a quelques grandes universités qui font payer très cher d'ailleurs aux étudiants leur inscription, qui disposent de moyens, qui sont capables de soutenir une activité de recherche très très forte, mais l'immense majorité des universités privées, elles vendent des diplômes, point. Et avec l'argent des étudiants, construisent des beaux bâtiments éventuellement, payent pas bien les profs, ne leur dégagent pas de temps pour faire la recherche, enfin, il n'y a pas d'activité de recherche. Donc on voit une différence qui est significative. La recherche, elle est quand même fortement soutenue, essentiellement par les universités publiques, et au niveau du territoire, c'est très clairement lié aux universités publiques, plus quelques universités privées qui jouent l'excellence internationale en mettant à disposition de leurs enseignants des moyens importants, en déchargeant les enseignants de façon très significative pour qu'ils puissent se consacrer à la recherche, et en créant vraiment des conditions qui sont parfois très, très, très agréables. Si on regarde le nombre de docteurs actifs, donc je dis qu'il y a un stock de 5000 docteurs, la moitié sont actifs, c'est-à-dire publient un papier tous les deux ans, papier ou bouquin ou chapitre de bouquin, etc. La moitié actifs. Donc, et si on rapporte ça au nombre de groupes de recherche, ça veut dire qu'on a en gros un docteur actif par groupe de recherche. Ça veut dire en gros un groupe de recherche, c'est quelqu'un qui a fait sa thèse, qui continue à être actif de la recherche et qui s'est entouré d'une dizaine de profs qui sont plus ou moins actifs. Voilà un peu l'image que ça donne. Et puis je vais terminer juste par un des derniers changements parmi les plus récents. Un des gros changements, et ça a des airs de ressemblance à des choses qu'on connaît par ici, il y a une nouvelle loi qui est passée sur sciences techniques et innovation et qui met beaucoup l'accent sur la question de l'innovation, avec une critique forte faite aux universités en disant elles sont déconnectées de la société et de l'industrie, il faudrait que l'université se rapproche de la société pour faire de l'innovation. Donc il y a eu un discours comme ça, qui est le même que ce qu'on entend ici depuis quelques années, et qui s'est traduit par le fait de sortir une nouvelle loi. Et je vais juste passer un petit extrait je ne sais plus si c'est là où je l'avais mis. Non, malheureusement, je ne sais plus. Non, enfin bref. Il y a quand même une chose intéressante dans cette loi où, contrairement au discours qu'on a ici depuis au moins une dizaine d'années, où on a eu un centrage sur l'innovation, et en gros, innovation, ça veut dire produits, services qui passent par le marché. La nouvelle loi, le motif principal de la loi, c'est mettre la science au service de la résolution des problèmes de la société colombienne. Et quand on pense Colombie, on ne pense pas nécessairement au développement des marchés, etc. On pense conflits, drogue, on pense à pauvreté, enfin, il y a des tas de problèmes. Et c'est intéressant que la loi sur l'innovation s'affiche comme étant mettre la recherche au service de la résolution des problèmes de la société. Évidemment, il y a la compétition technico-économique, ça rentre dedans, mais très clairement, la loi est définie, et ce n'est pas par hasard ou par erreur que c'est comme ça. C'est une vraie volonté. Et du coup, elle se traduit pour l'instant par une mobilisation systématique de l'ensemble des ministères qui doivent afficher ce qu'ils vont mettre en œuvre pour que les choses puissent aller dans le sens de la loi. Alors ça se traduit évidemment par des objectifs, y compris chiffrés, sur augmenter le nombre de gens qui font des thèses, le pourcentage de profs qui, à terme, devraient avoir des thèses de doctorat, augmenter le nombre de docteurs dans l'industrie. Il y a à peu près une dizaine de docteurs dans l'industrie et pratiquement aucun qui fait de la recherche dans l'industrie. En général, c'est des gens qui ont fait leur thèse et puis qui sont passés à faire du management. Mais encore, c'est une situation tout à fait rare. Enfin, là, pour l'instant, on a encore une déconnexion apparemment très forte entre la recherche et le monde de l'industriel, sauf que la plupart des enseignants sont tellement mal payés qu'ils survivent en faisant des activités complémentaires, qui sont souvent des activités de conseil. Et dans les faits, beaucoup d'enseignants sont en relation étroite avec des institutions publiques ou privées pour se faire des compléments de salaire. Mais ce qu'il y a d'assez frappant, c'est le fait que les gens ne font pas de connexion entre leur activité de conseil et la possibilité de développer une activité de recherche, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. C'est-à-dire les groupes de recherche, on a une série de profs qui chacun font de l'activité de conseil et n'en parlent pas trop les uns par rapport aux autres, ils sont un peu en concurrence les uns par rapport aux autres, n'explorent pas, par exemple, la possibilité de définir des stratégies collectives en termes d'activité de conseil qui permettent de nourrir une activité de recherche, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas, qui n'apparaît pas, en tout cas, qui n'apparaît en tout cas pas encore. Voilà. Enfin, je pense qu'une des leçons intéressantes à retenir de ça, c'est de savoir que les choses ne sont pas les mêmes partout sur la planète, même si on a des espèces de modes politiques et de modes managériales qui ont l'air d'être les mêmes. C'est en gros, on a parfois la circulation des mêmes discours, des mêmes genres d'institutions, des mêmes genres de pratiques, des agences d'évaluation, etc. Mais ça ne produit pas un effet d'homogénéisation. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Ça ne produit pas du tout le même effet, un effet d'homogénéisation, parce que la situation est très différente et les acteurs locaux s'en emparent de façon très très différente. Les mêmes institutions produisent des effets complètement différents parce que les acteurs localement sont dans des situations différentes et s'en emparent pour des jeux différents de ce que nous on connaît ici en France.